le voici dans son auto, c'est plutôt une limo. Vêtu comme une carte de mode, il s'approche de la cour de l'école. Pot, hache, cigarette, le vendeur de drogue, le vendeur de drogue. Il a toute une attitude, on peut dire qu'il est plutôt cool. Il fait plus d'argent dans un an que tes parents leur vie durant. H, crack, héroïne, cigarette. Le vendeur de drogue, le vendeur de drogue, le vendeur de drogue, le vendeur de drogue de ton. Il ne se fait jamais pogner, il a des relations bien placées. Quand il fait des surplus, il les donne des œuvres de charité. Ecstasy, hache, bombe, mescaline, héroïne, cigarette. Le vendeur de drogue, le vendeur de drogue, le vendeur de drogue, le vendeur de drogue. Je suis ton ami le policier. Ne l'écoute pas, il te mènera sur le mauvais chemin. Viens voir du lait avec moi, mon ami.